Hey Jack, t'as regardé la cassette Ultimate Fighting? Non, j'ai pas vu. Putain, t'as déconné, y'a un Renoir, Patrick Smith. Balèze! À peu près comme moi, tu vois. Putain, il a. Il a raconté. Bah, ma part, attends, il a. Attends, c'est pas Loïc là? Qui? Le pote à Cody là, le mec là. Enculé. Attends, c'est lui. Vas-y. Hé, toi là! Quoi? Viens. Quoi, viens? Qu'est-ce qu'il y a? Viens ici, toi. Quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu crois que je t'ai pas reconnu ou quoi? Espèce d'enfoiré. Je te connais pas, moi. Attends, tu connais Cody? Non? Ouais, tu le connais. Bah moi je te connais, enculé. La colère est souvent à l'origine de nombreuses larmes de recueil. Les larmes de requin sont celles de celui qui en fait un heureux deuil. Joue l'honneur en duel, perdant la rage sans venir, mais que son veut haineux. Aidé de son orgueil, s'en va mener une croisade vengeresse. Où le mot pitié n'existe plus, où il ne stoppe pas, même quand le gars supplie. Mais tu passes, s'il te plaît. La colère, ce qui souvent précède un drame. Si certains sortent indemnes dans bout d'otis sous un drap noir. Si la dame noire sur l'échiquier boufferait ses semblables. Le sang sur Madax, c'est typique de l'homme et ce avec ou sans bible. L'homme est instinct. C'est pourquoi pour un instant il pourrait tirer sur une silhouette et ce même hors d'instant. La colère d'un peuple à qui le passé les cinq ou amer. C'est pas un noir qui oublie ceux qui furent roués de quoi à mort. La colère cachée de mon ennemi assure une vengeance et plus sournoise. C'est en souriant qui s'approche, une larme sous sa toison. L'homme est un loup pour l'homme, ça s'est vu, ça se voit et c'est vécu. L'homme est un loup pour l'homme et ça se vit. On véhicule en tout l'envie de vaincre. L'homme est un loup pour l'homme, ça s'est vu, ça se voit et c'est vécu. Tout l'envie de vin. J'ai vu que l'envie s'immisce dans des brèches. Pourtant elle est droite d'une étreinte. Que les envieux m'étouffent me reprochant d'être à l'air d'en faire peu. L'envie excède même ceux qui se disaient fair play. On en fait plus pour rien pendant que d'autres pour rien. Un coffre fort l'envie plein c'est. Un gars jaloux de son frère qui décide de s'offrir. Sa femme qui s'offense et refuse la viol sur l'envie soir. Divise des clans qui se disaient inséparables. Une seule parole que je couche chaque fois tout inséparé. C'est le parrain. Les envieux qui jalousent même mon beurra. Mon pari prend-le, ma gloire ils sauront s'en accaparer. Je suis paré de fous et de cons. Et même si je reste austère, les autres stéront. Tous hostiles me feront tomber de l'aise. Je rase planer le doute. Comme sur ton phone, ce message en attente. Si tu la racontes, Délias en attente. T'inquiète, je vais te mettre une balle en acon. On a trop de choses et peu d'amis. Et peu d'années à vivre. Je vais pas les voir gâchés par un envieux d'années à vie. L'homme est un loup pour l'homme, ça s'est vu, ça se voit et c'est vécu. L'homme est un loup pour l'homme, et ça se vit. On véhicule en tout l'envie de vaincre. L'homme est un loup pour l'homme, ça s'est vu, ça se voit et c'est vécu. L'envie de vaincre. L'envie est ce désert où l'on a soif de désirer le bien des autres sans désister, comme un déshérité. L'envieux à la vue du bonheur d'autrui se déshydrate, son regard le détruit. Né pour être riche, c'est ce qu'il se dit, mais il est pauvre et se plaint d'être ruiné. De la clémence et de la paix dans les cœurs, il en reste peu. L'envie en boire jusqu'à l'ivresse, mais le prix est la mort de son amour propre et de son respect. La colère se voit dans les yeux d'un homme abattu. S'énervant, s'énerve, veut se battre, ayant son honneur à sauver. C'est pas attrayant, ou dans ceux de ses petites filles de 16 piges après un inceste, montrant son père du doigt assistant en disant que c'est ce type mat ce jeune le casier vierge qui se féresse par six cups féroces au tribunal féroce, la tête devant ses frères pour montrer le souhait de sa vengeance. L'homme est un loup pour l'homme, ça s'est vu, ça se voit et c'est vécu. L'homme est un loup pour l'homme, et ça se vit. On véhicule en tout l'envie de vaincre. L'homme est un loup pour l'homme, ça s'est vu, ça se voit et c'est vécu. L'homme est un loup pour l'homme, tu sais. On véhicule en tout l'envie de vaincre.